Après avoir vu et entendu Arlequin, le prétendu maître, en réalité le valet de Dorante, Sylvie en conclut que ni le maître ni le valet ne sont à leur vraie place. De leur côté, après plusieurs entretiens en tête-à-tête, Lisette, la soubrette, et Arlequin, le valet, se sont plu. Et Arlequin se montre même assez impatient d'épouser Lisette, la prétendue Sylvia, comme le montre l'extrait suivant.